sur les bords d'un abîme, un balcon perdu au milieu d'une ville. Nous étions si jeunes, tu étais ma voisine. Tu glissais tes doigts par les trous d'une grille. Le ciel était clément, les nuages balayés par le vent. L'air vraiment propice à tous nos jeux d'enfants. Nous lancions du linge à la tête des passants. Acclamer jusqu'à ce que nos parents. Je ne t'ai pas revu, je ne t'ai pas reconnu, mais après, je me souviens encore de ce livre que tu me lisais.